Troisième partie, chapitre 36, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 36. Qu'il faut avoir l'esprit juste et raisonnable. Nous ne sommes hommes que par la raison, et il est pourtant rare de trouver des hommes véritablement raisonnables, car l'amour-propre dérègle ordinairement notre raison et nous conduit insensiblement à mille sortes d'injustices qui, pour petites qu'elles soient, ne laissent pas d'être fort dangereuses. Elles sont semblables à ces petits renardos dont il est parlé dans les cantiques. On ne s'en défie pas parce qu'ils sont petits et ils ne laissent pas de faire un grand dégât dans la vigne à cause de leur multitude. Pensez-y et jugez si les articles que je m'en vais vous marquer ne sont pas de véritables injustices. Nous accusons notre prochain pour de petites fautes. Et nous nous excusons de nos fautes les plus grossières. Nous voulons vendre fort cher et acheter à bon marché. Nous voulons que l'on fasse justice des autres et que l'on nous fasse grâce. Nous voulons que l'on prenne en bonne part nos paroles. Et nous sommes délicats jusqu'à l'excès sur tout ce que l'on nous dit. Nous voudrions que notre voisin nous vendît son bien. Et n'est-il pas plus juste qu'il les garde, s'il le veut ainsi? Nous lui savons mauvais gré de ce qu'il ne veut pas nous accommoder. Et n'a-t-il pas plus de raison d'être fâché de ce que nous voulons l'incommoder? Si nous affectionnons un exercice, nous méprisons tout le reste et nous contrôlons ce qui n'est pas de notre goût. Si quelqu'un de nos inférieurs n'a pas bon air, ou que nous l'ayons une fois entrepris, nous prenons mal tout ce qu'il fait et nous le chagrinons perpétuellement. Si au contraire, l'extérieur d'un autre nous plaît, il ne fait rien de mal que nous n'excusions. Il y a des enfants sages et vertueux que leur père et mère ne peuvent presque voir à cause de quelques défauts naturels. Et il y en a des vicieux qu'un certain air de bonne grâce le rendent aimable. Partout, nous préférons les riches aux pauvres, quoiqu'ils ne soient pas de meilleures conditions, ni si vertueux, et nous préférons même ceux qui se distinguent par la vaine apparence de leurs habits. Nous exigeons nos droits avec une dure exactitude, et nous voulons que les autres ne s'effacent qu'avec de grands ménagements. Nous tenons notre rang avec une régularité importune, et nous voulons que les autres soient humbles et condescendants. Nous nous plaignons aisément de tout le monde, et nous ne voulons pas qu'aucun se plaigne de nous. Nous estimons toujours beaucoup ce que nous faisons pour le prochain, et nous comptons pour rien tout ce qu'il fait en notre considération. En un mot, nous avons deux cœurs, comme le perdrix de Paphilagonie, car nous avons un cœur doux, charitable et complaisant pour tous ceux qui nous regardent, et un cœur dur, sévère et rigoureux pour le prochain. Nous avons deux poids, l'un pour peser nos incommodités à notre profit, et l'autre pour peser celles de notre prochain, à perte pour lui. Or, comme dit l'Écriture, ceux qui ont des lèvres trompeuses parlent selon un cœur, et selon un cœur. C'est-à-dire qu'ils ont deux cœurs. Et avoir deux poings, l'un fort pour recevoir et l'autre faible pour livrer ce que l'on doit. C'est, dit-elle encore, une chose abominable devant Dieu. Philothée, soyez équitable et juste en toute votre conduite. Mettez-vous toujours en la place du prochain et le mettez en la vôtre, et vous jugerez équitablement. Prenez la place de vendeur en achetant et de l'acheteur en vendant, et votre commerce sera de bonne foi. Toutes ces injustices que je vous ai remarquées en particulier sont petites et ne nous obligent pas à restitution, parce qu'on suppose que nous nous y tenons seulement dans les termes de la rigueur, en ce qui nous est favorable. Mais nous ne laissons pas d'être obligés à nous en corriger, parce que ce sont des grands défauts de raison et de charité, et des manières de tricherie contre l'équité naturelle. D'ailleurs, on ne perd jamais rien à vivre généreusement, noblement, civilement, et avec un cœur équitable, raisonnable, et comme on dit, royal. Souvenez-vous donc, Philothée, de sonder souvent votre cœur, afin de connaître s'il est tel pour le prochain, que vous voudriez que le sien fût pour vous. Voilà le point de la vraie et droite raison. Le confident de Trajan lui ayant dit qu'elle n'était pas de la majesté impériale de se laisser si facilement aborder, il leur répondit « Quoi donc? Ne dois-je pas être pour mes sujets un empereur tel que je souhaiterais en trouver un si j'étais un homme particulier ?» Fin de chapitre 36, troisième partie.